Vivant de Leslie Menahem. Épisode 3, Loin. 1er novembre. Il y a un avion qui décolle là-bas. Il y a un autre avion qui atterrit, ici. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Les oiseaux volent et le temps ne passe pas. C'est encore loin ? Tu comptes encore 17 stations, et un changement, puis la traversée de 26 couloirs, puis quelques stations de RER, et on y est. 17 ? 17... 16... 13... Tu vas compter comme ça, à voix haute, tout le long du voyage. 17 ! Bah où tu sais compter jusqu'à 17 ? C'est loin, 17 ! Maman, j'ai envie d'arriver. Allez, sois patiente. Et regarde, on va jouer au jeu des sièges. Alors, de quelle couleur sont les sièges à la prochaine station, à ton avis? Moi, je dis rouge. Toi, Sophie? Vert. Toi? Jaune. Et très bien, on va voir. Et si tu gagnes, tu auras droit à une glace tout à l'heure. Et si tu perds, c'est bouche cousue jusqu'à l'arrivée. Non. Si. Attends voir. On y est presque. Verts. Ils sont verts. Mais tu as perdu. Non. Elle va bouder. Toi, tu ne seras pas comme nous. Tu ne resteras pas ici, dans ce calme immense, dans ces plaines fluorescentes. Tu ne porteras pas de phalanges sur tes épaules fragiles. Ce n'est pas pour toi, mon fils. Ton dos est trop courbé. Tes os sont trop cassants. Tes yeux d'agneau sont trop doux. Tu es loin d'être aussi robuste que ton frère. Tout cela n'est pas fait pour toi. Tu iras à l'école. Tu réussiras. Plus tard, tu verras. Tu reviendras nous voir. Et nous viendrons aussi. Tu gagneras de l'argent. Plein d'argent. Et tu nous emmèneras sur la tour Eiffel. Allez. On te laisse une seconde chance pour que tu arrêtes de bouder. Je veux plus jouer. Ne fais pas ta ronchonne. Allez. Moi, je parie que les prochains sièges seront violets. Violets? Tu as déjà vu des sièges violets dans le métro? Maman, tu vas perdre. Oh, ça m'étonnerait. Et toi, grande maligne, tu choisis quelle couleur? Je veux plus jouer. Rouge, ils seront rouges. J'ai gagné. Bravo, ma chérie. On aura perdu. Nous t'amènerons à Sapa demain matin. Nous suivrons le chemin de terre habituel qui descend sur la colline. Nous traverserons les couches de nuages au petit matin et tu prendras le bus qui t'amènera à l'aéroport d'Hanoï demain. Ce n'est pas loin, tu verras. Tu dormiras plusieurs heures, puis tu te réveilleras. Une gentille dame qui s'appelle Maryse viendra te chercher. Nos cœurs ne seront jamais loin l'un de l'autre, tu verras. Elle avait mis son Audaï ce jour-là. C'était son anniversaire. C'était jour de fête. Elle n'avait pas versé une seule larme. Elle avait souri. Elle souriait toujours, avec ses yeux. Ce n'est pas loin. Tu verras. Non, c'est encore loin. Tu nous casses les pieds. Oui. Allez, tais-toi maintenant. Tu paries quelle couleur sur la prochaine station? Mais j'ai déjà gagné, maman. Donc tu ne veux plus jouer? Non, je ne veux pas que tu reperdes. Regarde, maman. Bao ferme les yeux, on dirait qu'il dort. Il est ailleurs, Bao. Allez, dormons nous aussi. Viens là sur mes genoux, ma petite chérie. Nous arriverons bientôt à l'aéroport. Quelques gouttelettes glissent sur la vitre sale du wagon. Et je vois un banc de poissons défilant à toute allure à l'horizontale. Nous prenons de la vitesse. Les gouttelettes se multiplient et je m'imagine pris au piège entre deux aquariums géants. Les immeubles gris disparaissent sous mon regard, que je focalise sur les lignes tracées par l'eau. Et derrière elles, apparaissent les rizières de mes montagnes, avec leurs couleurs et leurs plateaux volumineux. Là-haut. Regarde-toi, tu es tout décoiffé. Tu es fatigué? Est-ce que tu te sens bien? Ça va bien, oui. Alors, combien de parties j'ai perdu? Qui de vous deux a gagné? Macha s'est endormie. On a arrêté de jouer. Maryse n'a pas voulu venir. Non, non. Elle prépare un pot-au-feu pour ce soir. Nous t'attendrons à l'extérieur, si tu veux. Ce n'est pas la peine. Tu ne penses pas qu'un moment plus intime serait plus... Je préfère que vous soyez avec moi. Tout près de moi. Allez, c'est parti pour notre premier changement. Et je vais porter la petite. Il y a la Macha. Son battement de cœur contre le mien. Cette multitude de gens que je bouscule dans les couloirs. Ce flot de paroles. Cette abondance de regards perdus sur le sol sale de ces trottoirs. Ces publicités souriantes et mensongères. Cette pollution oppressante. Ces monuments majestueux. Ce mélange de nationalités. Ces rendez-vous partagés. Ces vies mêlées. Ce trop de bruit constant et incessant. Ces instants avec Sophie et la petite. C'est chez moi. Quelques stations. Quelques minutes encore et je saute. Je saute dans le temps. Loin des yeux, loin des heures. 15 ans, c'est loin. Loin des miens. Peur de la voir. Peur de ne pas la reconnaître. Peur de lui en vouloir. Maman. Maman et ses yeux qui sourient. Combien de rides aura-t-elle autour de ses yeux? C'était Vivant de Leslie Menahem, épisode 3, Loin. Avec Macha Fleur-Sulmon, Sophie Aline Lebert, Bao Slimane Yefsa, Voix Aéroport Anne Stephens. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Éric Boissé et Lidouine Caron, assistante à la réalisation Clémence Grosse, réalisation Sophie Haute-Picon.